Corée, 1952-1953. Zeno. L'hiver, des stalagmites d'urine solidifiée s'échappent des latrines. La rivière est couverte de glace. Les Chinois cessent de chauffer certains baraquements et on regroupe les Américains avec les Anglais. Si Blue Heat s'en plaint, soulignant qu'ils sont déjà serrés comme des sardines, Zeno regarde entrer, tout excité, la file des prisonniers britanniques. Ses yeux croisent ceux de Rex. Bientôt, leurs deux paillasses se retrouvent côte à côte, poussés contre le mur. Et ils s'éveillent chaque matin avec la perspective de sentir Rex à portée de sa main, et la certitude qu'ils n'ont nulle part où aller. Tous les jours, alors qu'ils montent dans les collines gelées pour couper le bois qu'ils rapporteront au camp, Rex lui offre le cadeau d'une nouvelle leçon. Grapho, gratter, dessiner, écrire. La racine qu'on retrouve dans calligraphie, géographie, photographie. Phoné, son, voix, langue. La racine qui a donné symphonie, saxophone, microphone, mégaphone, téléphone. Théos, un dieu. Gratte jusqu'à l'os les mots que tu connais déjà, lui conseille Rex, et tu verras que bien souvent, le grec ancien te fait signe depuis le fond du creuset. Ce n'est pas tout le monde qui s'exprime ainsi. Zeno continue à le lorgner en douce, sa bouche, ses cheveux, ses mains. Regarder cet homme donne le même plaisir que contempler un feu. La dysenterie frappe Zeno et tous les autres. À peine revenu des latrines, il lui faut demander la permission d'y retourner. Blue Heat est prêt à le transporter à l'hôpital militaire. Mais celui-ci n'est qu'une vulgaire remise, où de prétendus médecins charcutent les prisonniers pour glisser sous leurs côtes des foies de poulet censées les guérir. Zeno aime autant mourir sur place, comme ça Blue Heat pourra récupérer ses chaussettes. Il devient si faible qu'il n'arrive même plus à se rendre aux toilettes. Dans les pires moments, il se recroqueville sur sa paillasse, paralysé par le beriberi, et se croit toujours à Lakeport, enfant de 8 ans qui grelotte sur le lac gelé dans ses souliers de cérémonie, s'enfonçant pas à pas dans le cyclone blanc. Un peu plus loin, il aperçoit une cité festonnée de tours qui frémit et vacille devant ses yeux. Il lui suffit d'avancer et il atteindra ses portes. Mais chaque fois qu'il s'y efforce, Athéna le tire en arrière. Parfois, il recouvre sa lucidité assez longtemps pour constater que Blue Heat est près de lui, en train de lui fourrer de la bouillie dans la bouche. « N'y pense même pas, mec. Tu vas pas claquer en me laissant ici. » D'autres fois, c'est Rex qui s'assied à ses côtés et lui éponge le front. Ses lunettes ont été rafistolées avec du fil de fer rouillé. Du bout de l'ongle, il inscrit sur la surface givrée du mur un vers en grec ancien, comme s'il traçait des glyphes mystérieux pour mettre les voleurs en fuite. Dès qu'il est en état de marcher, Zeno est de nouveau affecté au ramassage du bois. Certains jours, il a tout juste la force de charrier son fardeau sur quelques mètres avant de devoir le reposer au sol. Rex s'accroupit près de lui et écrit sur un tronc d'arbre, à l'aide d'un morceau de charbon, « Alphabetos ». A égale alpha, une tête de bœuf à l'envers. B égale bêta, il ressemble au plan de niveau d'une maison. O égale oméga, le O majuscule, la bouche immense d'une baleine avalant toutes les lettres qui la précèdent. Alphabet, dit Zeno. Très bien, et ceci? Rex écrit un mot en grec. Zeno fouille dans les tiroirs de son esprit. Nostos. Nostos, c'est bien ça. Le fait de retrouver son foyer, de rentrer chez soi sain et sauf. Évidemment, il est toujours risqué de chercher une équivalence entre un mot grec et un mot anglais. Nostos désigne aussi un chant qui parle du retour au foyer. Zeno se lève pour reprendre sa charge. La tête lui tourne. Rex range dans sa poche le morceau de charbon. À une époque où la maladie, la guerre et la famine étaient un tourment quasi permanent, et où beaucoup connaissaient une fin précoce, engloutie par la terre ou la mer, ou simplement effacée, disparu pour toujours, sans qu'on sache ce qu'il était advenu d'eux. Son regard balaie les champs gelés à l'horizon et s'arrête sur les constructions basses du camp numéro 5. Imagine ce qu'on pouvait éprouver en entendant ces chants anciens sur le retour des héros, en se disant que c'était possible. Plus bas, sur la couche de glace de la rivière Yalu, le vent remue d'amples tourbillons de neige. Rex se blottit sous sa veste. Le principal, ce n'est pas le contenu du chant, mais le fait que le chant ait perduré. Singulier et pluriel, racine des substantifs et conjugaisons, la passion de Rex pour le grec ancien les aide à traverser les heures les plus sombres. Un soir de février, après la tombée de la nuit, alors qu'il se sert près du feu, Rex trace deux vers d'Homère avec son morceau de charbon et fait passer la planchette à Zeno. « Ton de teoi, men teuxan, epeklosan to doletron. Anthropois, ina essi kai, esomenoisin, aoide. » Par les interstices des murs, on voit les étoiles suspendues au-dessus des monts. Zeno sent le courant d'air froid dans son dos, la légère pression du corps de Rex contre le sien. Ils sont presque réduits à l'état de squelette. Théoi signifie les dieux, nominatif pluriel. Epeklo santo veut dire tisser, aoriste de l'indicatif. Anthropois veut dire homme, datif pluriel. Zeno reprend son souffle. Le feu crachote, les murs du baraquement se dissolvent. Et dans un recoin de son esprit inaccessible à la douleur, à la faim et aux gardiens du camp, le sens du vers grec se dessine, franchissant les siècles. « Ainsi font les dieux, » dit-il. « Ils tissent les fils du désastre à l'étoffe de nos vies, afin d'inspirer un chant pour les générations à venir. » Rex consulte sa planchette, puis des visages Zeno avant de revenir à la phrase grecque. « C'est excellent ! Merde ! C'est carrément excellent !»